traversée. Un scénario de Marie Desplechin et Florence Miaille. Dit par Ariane Ascaride. Pré-générique. Intérieur jour. La main d'une femme âgée feuillette les pages d'un carnet de croquis. Défile des paysages, des visages, des portraits de groupe. Tout un monde qui semble daté, localisé. Les costumes sont typiques, les paysages ruraux, les maisons pauvres. La voix de Kiona âgée. Regarde, c'est chez moi, quand j'étais petite. C'est mon village, Novi Varna. Les gens n'avaient pas grand-chose. La vérité, c'est qu'on n'avait rien. On bricolait. Ma maison. Et là, c'est maman avec le bébé. Papa, les jumeaux. Là, c'est moi. J'ai 13 ans. Et Adriel. Donc, il a 12 ans. Les deux grands derrière, je t'en ai déjà parlé. Beaucoup de gens sont morts. Lui et elle, et eux, là. Tous. Avec leurs enfants. Générique. Sur les images du carnet continuent à défiler des scènes de la vie quotidienne. Fin du générique. Kiona âgée voix off. Il n'y a plus rien là-bas. C'est bizarre, tu sais. Il y a eu, et il n'y a plus rien. Séquence 1. Extérieur jour. Un joli chemin de campagne. La main passe sur un portrait de famille, elle le caresse, l'image s'efface. Elle est remplacée par un paysage. Deux enfants marchent sur un chemin de campagne. On reconnaît Kiona et Adriel. Kiona. « Mais je t'ai dit qu'elle s'occupe des petits. Elle verra même pas qu'on est sortis. » Adriel. « Mais tu comprends rien. C'est pas maman, c'est les paysans. On n'a pas le droit d'aller dans leur champ. En plus, ils ont les chiens. » Kiona avance à grands pas. Adriel se laisse distancer. Kiona, hors champ. « Y a personne à cette heure-ci. Ils sont dans leur ferme, ils mangent. » Adriel court pour rattraper sa sœur. Adriel. « T'en sais rien. C'est dangereux. » Kiona, hors champ. « Bah, rentre à la maison, je t'ai pas demandé de me suivre !» Adriel. « Je veux pas rentrer tout seul !» Les deux enfants sont arrivés devant un muret à demi effondré. Ils grimpent sur les pierres et contemplent le verger. Kiona, âgée, voix off. C'était un beau pays. Le problème, c'est qu'on avait le droit d'aller nulle part. Personne ne voulait de nous. Les gens n'aimaient pas les Yelzides. Les paysans nous détestaient. Ils dégringolent du mur. Ils se sont arrêtés au pied d'un arbre gigantesque. Adriel cueille des cerises. Une pie volette devant lui, elle monte jusqu'à Kiona qui s'est assise au sommet de l'arbre. Kiona a sorti un carnet d'une poche qu'elle porte sous sa jupe. Elle dessine le paysage qui s'étend devant elle. C'est un tableau harmonieux et paisible. Kiona, âgée, voix off. Quand je dessinais, j'avais la paix. J'étais plus une Yelzide, ni la fille de mes parents, ni la sœur de mon frère, ni de Novi Varna. J'étais deux yeux et une main. Soudain, une fumée s'élève sur les toits du village. Kiona. Adriel ! Adriel, descends ! Vite, ça brûle ! Adriel. Qu'est-ce qui brûle ? Kiona. Chez nous, imbécile, ça brûle ! Kiona et Adriel courent vers le village. Séquence 2. Extérieur jour. Le village. La fumée s'est épaissie jusqu'à créer l'obscurité. Les deux enfants se sont arrêtés à l'entrée du village. Adriel. Kiona ? C'est quoi ? Kiona, âgée, voix off. Les vieux en parlaient sans arrêt. C'était toujours la même histoire. Les paysans descendaient dans un village, ils brûlaient les maisons, ils égorgeaient les bêtes et ils volaient les affaires. Et à la fin, avant de partir, ils tuaient des gens qui n'avaient rien fait, même pas volé. Comme si ça leur faisait plaisir de tuer. La police laissait faire. Adriel. C'est parce qu'on a volé les cerises, dit. C'est ça? C'est les cerises? Les deux enfants remontent lentement la rue principale du village. Des paysans armés pillent les maisons, brutalisent leurs habitants, massacrent les animaux domestiques. Des miliciens les regardent faire sans intervenir. Un paysan éventre un matelas, les plumes s'envolent dans le vent de chaleur et s'enflamment. Kiona, âgée, voix off. C'est ce jour-là que je me suis rendu compte que j'étais une Yelzide. Quand ils ont brûlé mon village, j'étais une Yelzide parce qu'ils étaient prêts à me tuer pour ça. Séquence 3, extérieur jour, cour de la maison familiale. Les parents et leurs enfants se tiennent serrés les uns contre les autres. La mère porte un bébé contre elle, deux petits se serrent dans ses jupes. Un milicien les tient en respect, les autres fouillent la maison. Un peu à l'écart, leur chef surveille les opérations. Kiona pousse Adriel derrière un empilement de tonneaux et se cache avec lui. Kiona, âgée, voix off. Les paysans, on les connaissait. Mais eux, c'était la première fois. Les miliciens de la Fraternité Renaissance. Sur l'échelle du mal, ils étaient au dernier barreau. Un jeune homme et une jeune femme sortent de la maison, les mains en l'air, poussés par les miliciens. Kiona. Melvina. Dario. Kiona, âgée, voix off. Ils étaient là pour eux. Les deux grands. Les premiers enfants de mon père. Leur affaire, c'était la politique. Et ça rendait mes parents fous parce que la politique, il n'y avait pas pire. C'était le danger des dangers. Chez nous, on n'avait même pas le droit d'en parler. Les deux jeunes gens tournent la tête vers leurs parents. Un milicien. Avance. Des larmes coulent sur les joues de la mère. Le père serre les poings. De loin, Adriel regarde son père humilié. Il cherche des yeux autour de lui. Pris d'une inspiration subite, profitant que tous les regards sont aimantés par l'arrestation, Adriel grimpe sur l'empilement de tonneaux. Pendant ce temps, les miliciens avancent dans la rue, toujours poussant les jeunes gens devant eux. Un milicien. « J'ai dit plus vite !» On revient à Adriel. Il fait rouler les tonneaux qui s'écroulent, prennent de la vitesse et déboulent dans les jambes des miliciens. Sous le choc, les couvercles s'ouvrent et répandent des aliments conservés dans la saumure. Des cornichons, des poissons, des citrons. Melvina et Dario en profitent pour prendre la fuite. On entend des ordres, des cris, des tirs. Les soldats trébuchent et tombent. Les deux jeunes gens disparaissent dans la fumée. Kiona, âgée, voix off. On n'a jamais su ce qui lui avait pris, ni même s'il l'avait fait exprès. On ne savait jamais ce qui pouvait lui passer par la tête. Les soldats se relèvent, des poissons et des cornichons accrochés à leurs uniformes. Le chef contemple ce spectacle atterrant quand son regard est attiré par Adriel. Inconscient du danger, Adriel regarde les deux jeunes gens en souriant. Kiona, âgée, voix off. Il les a sauvés. On ne peut pas dire qu'il ne l'a pas fait. Seulement, quand ils ont filé, eh bien, nous, on est restés. Le chef des miliciens s'avance vers Adriel et lui décoche un coup très violent dans la figure. Adriel s'écroule sur le sol. Le milicien s'approche de la famille. Il fixe le père et s'adresse à lui. Le chef. Je les ai cherchés pendant des mois. Et quand je les ai trouvés, c'est un de tes gosses qui me les enlève. Mais tu vas me les ramener. Tu vas me les ramener demain. Si je ne les ai pas demain, je prendrai ta femme et tes gosses. Tu m'entends, les Yelzides ? Dis-le, cochon, que tu m'entends. Le milicien tourne le dos et repart. Il remonte la rue du village, entraînant dans son sillage toute la troupe des paysans, des pillards et des miliciens. Tout en marchant, il vaticine. Le chef. Faudrait se laisser faire, rien dire, et se laisser envahir, pourrir de l'intérieur, des rats, des tiques vissés à mort, qui nous bouffent et merci. La grande épidémie de la misère, les légions de la saloperie, ah oui, mais non, le peuple en a marre. Qui fout le corps, allez hop, désinfection générale, dehors, les Yelzides d'évacuation, par le fer et le feu, en route pour l'enfer et adieu. Séquence 4. Devant la maison familiale. Le père s'efforce de remettre un peu d'ordre devant chez lui. À proximité, Kiona s'occupe du bébé. Plus loin, la mère soigne la joue d'Adriel. La nuit tombe. Par les fenêtres éclairées, on voit la famille s'activer. Seul, dehors, le père continue à ramasser des débris. Kiona, âgée, voit off. Je me demande encore pourquoi il ne nous a pas tués cette fois-là. Peut-être qu'il croyait vraiment que mon père donnerait ses enfants. Ouais, c'est ce qu'il devait penser. Qu'on se laisserait faire comme des chèvres. Séquence 5. Intérieur nuit, dans la maison. Tous les enfants sont allongés côte à côte sur une même couche. Un drap tendu les sépare de la pièce où sont les parents. Les petits dorment profondément. Kiona et Adriel ont les yeux ouverts. La mère. Tu le connais bien ? Le père. C'est mon cousin. Kiona écarte légèrement le drap et regarde ses parents. Ils sont assis à table, penchés sur une carte. Le père. Il habite Arcata. Là, c'est un village. La mère. Dans la Fédération libre ? Le père. Oui, regarde. Le train part de Novi Varna. Il passe par la basse Batélie, les principautés. Là, c'est la dernière frontière et après... La mère. Après ? Le père. Après... Il y a des passeurs. Les gens passent, alors... Il y a forcément des passeurs. Derrière le rideau, Kiona se recouche contre Adriel. Kiona. Hé, t'as entendu ? On part ? Adriel. On va aller. Kiona. Dans la Fédération, tiens. Oh, tu m'énerves trop, je te parle plus. Adriel. Mais c'est loin. Kiona écarquille les yeux dans le noir. Kiona pour elle-même. La Fédération libre. Séquence 6. Extérieur jour. Sur la route. Le soleil s'est levé. La famille avance sur une route de campagne. Elle rejoint d'autres familles vêtues et chargées comme elle. Au bord de leur champ, des paysans goguenards, appuyés sur leurs fourches, les regardent passer. Un paysan. Alors les rats, on est sortis du trou. Pourquoi je retiens mes chiens, je me demande. Les familles pressent le pas. Adriel court pour rattraper sa famille. Kiona, âgée, voix off. C'est comme ça qu'on est parti. Mon frère traînait. Ma mère pleurait, mon père criait. Et moi, j'étais incroyablement excitée. C'était la première fois que je quittais Novi Varna et surtout, j'allais prendre le train. Séquence 7, extérieur jour. Une gare de campagne. Les migrants convergent vers la petite gare encombrée de familles qui attendent un train. C'est une sorte de pagaille calme. Kiona, âgée, voix off. J'avais jamais vu autant de monde à la fois. Et ils étaient tous tellement bizarres. Jusque-là, j'imaginais que tout le monde était comme nous. Peau blanche, cheveux bruns. Et je ne parle pas des vêtements. Kyodin. Maman. Qui c'est? La mère. Des Ostéliens. Kyona. Qu'est-ce qu'ils font là? La mère. Il n'y a plus d'eau chez eux. Les bêtes crèvent et après les enfants, faut bien qu'ils s'en aillent. Kyona. Et eux, là-bas? La mère. Des Skanderberg. Eux, c'est la guerre qui les met sur la route. Tout le monde a ses raisons. Le père et la mère se parlent à l'oreille. Le père. Personne ne sait pour les contrôles. Peut-être oui, peut-être non. Kyona. Pourquoi les contrôles? Le père. Je parle à ta mère. Le soleil monte au zénith. Beaucoup sont endormis, les autres patientes, immobiles. Kyona, âgée, voix off. Les contrôles. Ils espéraient tous qu'ils passeraient au travers. Mes parents comme les autres. Ils comptaient sur leur chance. Je me demande ce qu'ils s'imaginaient. Qu'on les prendrait pour des riches en vacances. Que les policiers porteraient leurs valises. Le campement est saisi de frénésie. On ramasse les bagages, on se presse vers les quais. Le train s'immobilise dans un panache de fumée. Mouvement de la foule vers les voies. Dans la cohue, la famille est séparée. Le père apparaît à la fenêtre. Sa femme apporte une échelle qu'elle appuie sur la voiture. Elle fait monter les jumeaux, Kyona, Adriel, et tend au père le bébé, puis les baluchons et se glisse à l'intérieur. Séquence 8, intérieur nuit, dans le train. Les paysages défilent dans le crépuscule. La campagne riante laisse peu à peu la place à un paysage de steppe, où se dressent çà et là les structures métalliques de vieux complexes industriels. Il fait maintenant nuit noire. Kyona somnole. Dans le reflet de la vitre, la carte apparaît brièvement. Le train roule sur la carte en direction de la ville. Tout le monde s'est fait une petite place. Kyona et Adriel ont grimpé tous les deux dans un porte-bagages. Ils dorment serrés l'un contre l'autre. C'est à peine si on les voit. Brusquement, le train s'arrête dans un bruit de frein. Kyona et Adriel sortent à la tête de leur abri. Des policiers investissent les wagons. Contrôle, tout le monde debout. On entend les soldats brusquer les voyageurs. Toi, tu restes, toi dehors. Tous les Ostéliens, les Yelzides sortent. Dans le compartiment, les voyageurs se lèvent et prennent leurs bagages. La mère qui porte son bébé, le père et les deux petits se préparent à descendre. Le père, pchut, restez cachés. Adriel. Mais papa. Le père. Chut. Il se penche vers Kyona. Le père. On se retrouve à Stemetsvar. Il hésite un instant. Si tu ne nous vois pas venir, emmène ton frère à Arkata. C'est toi l'aîné. Je te le confie. Tu te souviendras, après la dernière frontière, Arkata. Le train repart tout doucement. Par la fenêtre du wagon, on voit une longue file de migrants marcher dans le noir, encadrés par des policiers. Les miliciens de la Fraternité Renaissance, reconnaissables à leurs uniformes, surveillent les opérations. Le train prend de la vitesse et file dans la campagne noire. Un long serpent dans l'obscurité. Séquence 9, extérieur jour, ville de Stemetsvar. Kyona et son frère sont assis par terre devant l'entrée majestueuse de la gare. Devant eux, dans le petit matin, s'ouvrent les avenues de la ville, larges, déserte. Kiona âgée voix off. Stemetsvar a été ma première ville. La première que j'ai vue de ma vie. Adriel a baissé la tête. Kiona, arrête de te plaindre. Je suis sûre qu'ils vont arriver. Adriel, ça va être long. Kiona, non. Adriel, combien de temps? Kiona, oh, tais-toi! Les heures passent. Les deux enfants somnolent sur les marches. Adriel, Kiona, j'ai faim. Soudain, une demi-douzaine d'enfants surgissent de derrière les arcades. Ils sont hirsutes, crasseux et menaçants. Le groupe se referme sur Kiona et Adriel. Adriel est fouillé. Un enfant. Rien. C'est au tour de Kiona. Une main sort triomphalement son carnet de sa pochette. Kiona. Rends-moi mes affaires. Rends-les, je te dis. Les enfants pouffent de rire et se mettent à courir, poursuivis par Kiona et Adriel. Ils s'éloignent du centre de la ville. Fini les beaux alignements d'immeubles. Ce sont de petites rues, des bicoques, des friches. Ils s'engagent sous un tunnel. Séquence 10. Extérieur jour. Campement des enfants. À la sortie du tunnel, on découvre un bidonville misérable. Entre les remblais sont édifiées quelques baraques en matériaux de récupération, cartons, bidons, plaques de tôle. Les enfants s'arrêtent devant l'une d'elles. En sort un adolescent. On lui tend le carnet. L'adolescent. C'est tout ? Kiona. C'est à moi. Ils me l'ont volé. L'adolescent la regarde avec stupéfaction. L'adolescent. Qui c'est celle-là ? Un enfant. Elle était sous les arcades, avec le garçon, là. Il montre Adriel. L'adolescent. Et tu les as ramenés ? L'enfant. C'est elle, elle nous a suivis. L'adolescent. Et si les flics te suivent, tu ramènes les flics. Kiona. Rends-moi le carnet. L'adolescent ouvre le carnet, le feuillette, s'attarde sur un dessin. L'adolescent. C'est quoi ce truc? Kiona. C'est à moi, c'est mes dessins. Il lui rend le carnet sous le regard médusé des enfants. Kiona à Adriel. On s'en va. L'adolescent. Où? Kiona. À la gare, j'attends mes parents. Les enfants se regardent. Kiona. C'était dans le train. On les a emmenés pour un contrôle, sauf que nous, on a continué. Maintenant... L'adolescent ne la laisse pas terminer. Il s'adresse aux enfants. L'adolescent. Ils vont rester. Des enfants ramassent des planches et des cartons et édifient un abri. Kiona âgée voix off. Je me suis dit que c'était pour une nuit, qu'ils arriveraient le lendemain, qu'en attendant on était à l'abri. À la nuit, la cabane est construite. L'adolescent vient constater la fin des travaux. Planté au milieu des enfants, il regarde. Kiona âgée voix off. Ce que j'avais pas compris, c'est qu'on était devenus des enfants de la rue. Comme eux. Iskander, lui, le savait. Séquence 11. Extérieur nuit, autour du feu. Les enfants se sont rassemblés autour d'un grand feu. Dans la fumée apparaissent des images de poursuite, de séparation. Le ciel devient comme un écran de cinéma sur lequel passent en silhouette géante les souvenirs des enfants. Kiona âgée voix off. Iskander savait beaucoup de choses. par exemple. Que les parents qu'on arrête ne reviennent jamais. Jamais par le train, en tout cas. On était tous pareils. Les Yelzides, les Skanderberg, les Ostéliens, les gens du Vieux Nord avec leurs cheveux presque blancs. Séquence 12. Extérieur jour. Campement des enfants. Kiona attend assise devant la gare. On la retrouve dans la même attitude, assise devant son abri. Elle regarde devant elle, les yeux fixes. Kiona, âgée, voix off. J'avais juste envie de mourir. Mais je ne pouvais pas. Il fallait que je m'occupe d'Adriel. C'est pas que ça me plaisait tellement, mais j'avais promis à mon père. Adriel passe en courant au milieu d'un groupe d'enfants. Il pourchasse l'un d'entre eux qui tient un objet sous le bras. Quand il tombe, le groupe fond sur lui. Quand la mêlée se disperse, l'enfant reste au sol. Kiona, âgée, voix off. Dans un sens, j'aurais dû être contente. Il avait trouvé des copains. 6 crapules à moitié tarés. Avec lui, ça faisait 7. Ils auraient pu s'appeler les nains, mais non. Ils avaient préféré les corbeaux. Au moins, ils s'étaient adaptés. Séquence 13. Extérieur nuit. Campement des enfants. Adriel et ses compagnons reviennent au camp. Ils se réunissent et déposent par terre ce qu'ils ont volé dans la journée. Portefeuilles, bijoux, foulards, fruits, biscuits. Iskander arrive et écarte le groupe. Il inspecte les objets. Soudain, il voit arriver 2 hommes. Un colosse à l'air dangereux et un grand échalas au visage en lame de couteau. Kiona, âgée, voix off. Il arrivait toujours sans prévenir. Jon Zwill Thuringer, voleur. Menteur, assassin, traître et macro. Ils en avaient tous une frousse bleue, même les corbeaux. Il fallait avoir tout l'orgueil d'Iskander pour penser qu'on pouvait s'arranger avec lui. Iskander fait signe aux petits voleurs de filer. Ils se dispersent à l'exception d'Adriel qui ne comprend visiblement pas grand-chose à ce qui est en train de se passer. Jon ouvre les portefeuilles et met de côté des objets qu'il tend à son acolyte. Il tend quelques billets à Iskander. Jon, j'ai besoin de cuivre. Peuvent me trouver ça, les petits rats? Puis il avise Adriel. Il le regarde attentivement et lui sourit. Profitant qu'Iskander se détourne pour ranger ses billets, il lui tend une petite bouteille enveloppée dans un chiffon. Jon, tiens! « C'est pour vous !» Adriel cache la bouteille sous sa veste et part en courant. Il rejoint les corbeaux dans leur abri, une petite cabane à ciel ouvert construite un peu en surplomb du camp, qui a la forme ronde d'un nid. Séquence 15. Extérieur jour. Sur le tumulus d'une casse. Kiona ramasse des débris métalliques. Elle aperçoit une pie qui fouille du bec dans les ferrailles. Alors qu'elle avance la main vers un petit objet de laiton jaune, la pie s'avance et le lui dispute du bec. Kiona. Allez, t'as gagné, prends-le ton truc. La pie se saisit de l'objet et s'envole. Iskander rejoint Kiona. Kiona. Je vais partir. Je vais emmener mon frère. On passera dans la Fédération libre. Iskander. Personne passe. C'est fini. Kiona. Moi, je passerai. Iskander. Non. T'iras pourrir dans un camp. Kiona. Je passerai. Iskander. Faudrait déjà que tu traverses le fleuve. Et après la route, les forêts, les montagnes. Les flics partout et les soldats. Reste, Kiona. Tu peux vivre ici. Ici, ça va. Séquence 16. Extérieur jour. Campement des enfants. Iskander trie le métal que les enfants lui ont amené. Non loin de lui, Kiona dessine Adriel au milieu de sa bande. Installés dans leur nid, ils jouent au dé. Ils se passent de l'un à l'autre la petite bouteille enveloppée dans un chiffon et inhalent profondément. Kiona. Pas ça, Adriel. Hé, Adriel, non ! Iskander, alerté par le cri de Kiona, se dirige vers le groupe. Il attrape un des enfants par le col et le soulève de terre. Il prend la bouteille, vide le contenu sur le sol et jette le flacon. Il retourne à son occupation. Kiona. Je peux te dessiner ? Iskander. Vas-y. Tant que ça fait pas mal. Kiona. Bouge pas, regarde-moi. Sur le carnet de Kiona, on voit se dessiner le visage sévère d'Iskander. Le doigt de Kiona étire les commissures des lèvres. Le dessin sourit. Pendant qu'elle dessine, une grande main maigre passe dans ses cheveux. Kiona se détourne vivement. Derrière elle, Yon. Iskander. Lâche-la ! Yon. C'est toi qui me dis ce que je fais maintenant. Il abandonne les cheveux de Kiona et fait un pas vers Iskander. Iskander. Tu l'avais dit, c'était l'accord, pas les enfants. Yon. Je l'ai dit. Je le dis plus. T'affole pas, c'est juste qu'on m'en demande tout le temps, alors j'hésite. C'est pas tout le monde qui hésiterait, hein? Séquence 17, extérieur nuit, campement des enfants. Dans la nuit, des enfants se lèvent et se postent devant leurs abris. Des policiers entrent dans le camp et courent vers le nid où sont terrés Adriel et sa bande. Ils les font sortir, menottés. Un policier fouille à l'intérieur et en sort des objets volés. Kiona franchit le barrage et s'accroche à Adriel. Kiona, pas lui, pas lui! Un policier, qu'est-ce qu'elle cherche celle-là? Un autre policier, embarque-la! Les policiers emmènent le groupe des corbeaux. Ils traversent le camp et passent sous le tunnel. De l'autre côté, les enfants montent dans un camion grillagé. Kiona jette un coup d'œil derrière elle. Iskander discute avec un des policiers. Iskander, vous pouvez pas les prendre, j'ai des accords. Un policier. Qui c'est ce merdeux? Un autre policier. Un des copains d'Yon. On l'emmène aussi, ça va le calmer. Séquence 18. Intérieur nuit. Prison de Stemetsvar. Les enfants sont dans une cellule sans fenêtre qu'éclaire un néon écrasant. Soudain, la porte de la cellule s'ouvre. Entre un policier accompagné de Yon. Yon. C'est trop gentil, ils sont là tous les deux, mes préférés. Pas trop cabossés? Il se tourne vers le policier. Je prends ces deux-là. Iskander s'approche de Yon, le visage défait, les poings serrés. Yon. Je te l'aurais demandé, tu m'aurais dit non. Tu vois, c'est tellement plus simple quand la police fait son travail. Iskander. Yon, salaud. Un jour, je te tuerai. Je le jure, je te tuerai. Le policier repousse violemment Iskander vers le fond de la cellule. Yon prend Kiona et Adriel par l'épaule et les fait sortir. Kiona se retourne. Kiona, Iskander ! Séquence 19, extérieur nuit. Dans la banlieue de la ville. Kiona et Adriel se sont arrêtés avec Yon dans un petit square poussiéreux. L'homme place devant leur corps des vêtements qui ressemblent à des uniformes d'orphelinat. Il évalue leur taille. Yon. Ça devrait aller. Vous aurez l'air moins sale. Les enfants restent interdits. Yon. Faut pas avoir peur. Des gosses à poil, j'en ai vu. Mais faut pas se balader en Yelzid. Les gens n'en veulent plus. Habillé comme ça, je vous donne pas 3 jours pour être arrêté. Il lance les costumes aux enfants. Yon, à Adriel. Toi, c'est Adriel, non? Il se tourne vers Kiona. Et toi, la fille? Kiona. Pourquoi je te dirais mon nom? Yon. Par gentillesse, ma chérie. Kiona. Kiona, m'appelle pas ma chérie. Yon. Si tu veux. Du moment que tu mets des habits propres. Tu pues, Kiona. Kiona hausse les épaules. Nyon, si t'es pas gentille, tu pourrais être maligne. Parce que tu peux aussi bien mourir ici. Il y aura personne pour te réclamer. Moi, je te sors de prison, je te fais passer le fleuve et tu dis pas merci, saleté. Kiona, on va passer le fleuve? Yon, si je te le dis. Séquence 20, extérieure nuit, sur le fleuve. Yon Zuild et les enfants, revêtus de leurs uniformes gris, descendent jusqu'à la berge du fleuve. Yon entraîne les enfants vers une barque déjà chargée. La barque quitte la rive. Le fleuve est houleux, agité de vagues noires. Autour, d'autres embarcations glissent silencieusement. Une barque trop chargée se met à tanguer. Elle se renverse sur ses passagers. L'eau les entraîne et les engloutit. Yon. Même pas foutu d'apprendre à nager. Séquence 21. Extérieur jour. Sur les routes de Bas-Bateli. Le ciel noir est troué de lambeaux pâles. Yon entraîne les enfants vers une camionnette à l'arrêt. Devant, un paysan rubicon patiente. Yon s'avance et lui serre la main. À l'arrière de la camionnette, Kiona et Adriel regardent défiler le paysage aux couleurs de l'automne. Le paysan. Alors, le commerce? Yon. Comme tu vois, toujours des affaires à faire. Séquence 22. Extérieur jour. Domaine Paradiso. Yon. On est arrivé. La camionnette s'arrête au bout d'une allée bordée d'arbres devant une vaste demeure précédée d'un perron. Kiona. Et on est où, là? Yon. En Bas-Bateli, mademoiselle l'emmerdeuse, chez les nababs. Le paysan. Domaine Paradiso. Flora Bella della Chiusa et son mari Maxime, grand intendant de la guilde batellique. Sur le perron s'avancent un homme et une femme suivis de deux domestiques en habit. Yon pousse les enfants devant lui. Yon. Voilà votre famille. Adriel cherche des yeux autour de lui. Puis ils font en larmes. Yon se penche vers lui. Yon. Arrête, imbécile. T'étais plus flambant quand je t'ai rencontré. Tu vas pas te dégonfler maintenant. L'homme s'avance. Il s'adresse à Yon. Maxime. Tout s'est bien passé? Yon. Mais oui, monsieur l'intendant. Ils sont en très bon état. Beaux cheveux, belles dents, la fille Kiona, le garçon Adriel. L'homme se penche vers Adriel et observe la cicatrice qu'il porte toujours sur la joue. Maxime. Et ça? Yon. Rien, une chute, un souvenir qui passera avec les autres. Maxime. Bien. Très bien. Maxime sort de sa poche une liasse de billets qu'il tend à Yon. Pendant ce temps, la femme emmène les enfants dans la maison. Séquence 23, intérieur jour. Maison des Della Chiusa. Le décor est écrasant. Un escalier majestueux, un lustre gigantesque, des armes. Les enfants suivent Florabelle et une domestique qui les entraîne à l'étage. Devant eux, un couloir sombre qui donne sur un autre, puis sur un autre, dans un enchaînement labyrinthique. Ils s'arrêtent devant deux portes voisines. Florabelle pousse la première. Elle ouvre sur une chambre au mur bleu ciel. Florabelle. Ta chambre, petit garçon. Un petit lit couvert d'un baldaquin. Des jouets, des peluches, des petites carabines, des albums coloriés, un petit bureau. Florabelle ouvre l'autre porte. Florabelle. La chambre de la petite fille. La chambre est toute rose. À nouveau, un petit lit et un baldaquin, des robes posées sur le lit, des poupées, un petit chevalet pour peindre, une coiffeuse avec des bijoux, des flacons. Florabelle se tourne vers les enfants. Florabelle. Les chambres de mes petits-enfants. Et là, La salle de bain. Florabelle actionne le robinet doré de la baignoire. Les enfants regardent stupéfaits l'eau couler. Ils s'amusent avec les robinets du lavabo. Florabelle. Allez, allez, on ne joue pas avec l'eau. Kiona, âgée, voix off. Ça, je n'avais encore jamais vu. De l'eau qui vient quand on l'appelle. Quelqu'un avait attrapé une source. C'était magique. Séquence 24. Intérieur nuit. Salle à manger. Kiona et Adriel, méconnaissables dans des vêtements neufs, les cheveux lissés, s'avancent vers la table de la salle à manger. Les domestiques ont à peine posé un plat sur la table que les enfants y mettent la main. Florabelle. Oh non, non, non, non, pas les mains dans le plat, c'est sale. Maxime, dis-leur. Maxime. À partir de ce soir, toi, le garçon, tu t'appelles Peter. Et toi, la fille, Janet. Les noms d'avant ne servent plus à rien. Vous pouvez les oublier. Je veux qu'on m'appelle papa. Et votre maman, eh bien, vous l'appellerez maman. Alors, Janet? Peter? Adriel regarde fixement son assiette. Kiona blêmit. Elle regarde autour d'elle. Tout autour, des domestiques. Au mur, des têtes naturalisées. Cerfs, renards, biches. Sur la table, des plats répugnants. Sur le mur, derrière les parents, les têtes d'animaux semblent se tourner vers elle en ricanant. Elle croit voir soudain sa propre tête naturalisée et posée sur un socle de bois, puis celle d'Adriel. Maxime. Alors, Janet, alors ? Terrifiée, elle balbutie. Kiona. Oui, oui. Maxime. Oui, qui? Kiona. Oui, papa. Séquence 25. Intérieur jour. Salon des Della Chiusa. C'est la fin de l'automne. Adriel s'est appuyé contre Florabelle. Il a grossi. Il a maintenant le visage triste et le regard vide. Florabelle le tourne vers elle et examine sa coiffure gominée avec satisfaction. Florabelle. Voilà, voilà, Peter, mon chéri. Elle prend un macaron dans une coupe et le lui fourre dans la bouche. Florabelle. Mange, mon chéri, mange. Tu peux sortir maintenant. Va jouer dehors. Séquence 26. Extérieur jour. Jardin du domaine. Les deux enfants se promènent le long des massifs. Kiona regarde vers la maison. Elle aperçoit Florabelle à sa fenêtre. Elle attrape Adriel par le bras. Il se laisse faire, atone. Kiona. Elle arrête pas de te mettre des trucs dans la bouche et toi tu dis jamais rien. T'avales. C'est dégueulasse à la fin. Adriel. Tu parles mal. J'aime pas quand tu cries. Kiona. Elle va te tuer à te faire bouffer comme un goré. Adriel, réponds. Adriel. Tais-toi. Kiona lève la tête vers la fenêtre d'où Florabelle les observe toujours. Séquence 27. Intérieur nuit. Salle à manger. Adriel mange avec application, tandis que Kiona plonge les doigts dans la nourriture. Florabelle et Maxime les regardent, le visage pincé. Florabelle. Janet! Janet, enfin! Kiona lèche son assiette. Florabelle. Elle ne va pas, celle-là. Elle ne va pas du tout. Maxime. Non, effectivement, elle ne va pas du tout. Séquence 28. Extérieur jour. Jardin du domaine. Kiona est seule. Elle traîne autour de la volière qui jouxte la maison. À l'intérieur, des oiseaux de toutes les couleurs volent d'une grille à l'autre. Fiona, âgée, voix off. Partir. Je ne pensais qu'à ça. Jour et nuit. Elle dépasse la volière et va jusqu'à la barrière qui ceint le jardin. Elle entend appeler « Janet ! Janet !» Elle se retourne et tombe nez à nez avec Marie. Marie. « Janet, faut pas aller si loin, faut toujours qu'on vous voie, Janet, toujours !» Kiona. « Mais où tu veux que j'aille ? C'est la prison partout !» Elle regarde au-delà de la barrière. Un champ de vignes et plus loin, une grande forêt sombre qui ferme l'horizon. Marie suit son regard. Marie. Faut jamais entrer dans la forêt, tu m'entends? Elle mange les enfants qu'elle a pris. Kiona. Elle les mange. Ça me ferait bien rigoler. Marie. C'est ça, rigole, malhonnête, tant que je te vois. Marie reconduit Kiona jusqu'aux abords de la maison. Kiona. Mais laisse-moi, je reste encore un peu dehors, là, tu vois, sur le banc. Marie. Oh, fais ce que tu veux, mais méfie-toi. T'es pas la première Janet et tu seras peut-être pas la dernière. Assise sur le banc, Kiona feuillette son carnet. Une pie vient se poser à côté d'elle. Kiona lui sourit. La pie s'envole et va se poser sur une poubelle renversée contre le mur des cuisines. Elle fouille du bec dans les ordures. Kiona quitte son banc. Elle s'approche. Kiona. Viens voir ici, toi. La pie sautille jusqu'à elle et saute sur son épaule. Elle picore ses boucles d'oreilles. Kiona en détache une qu'elle lui donne. La pie saisit le petit bijou et s'envole vers la forêt. Séquence 29. Intérieur jour. Chambre de Kiona. Florabelle fait face à Kiona qui baisse les yeux. Kiona. Je l'ai perdu. Florabelle. Perdu ? Elle tire violemment sur la boucle d'oreille encore en place. Les yeux de Kiona se remplissent de larmes. Florabelle. Perdu ! Kiona. Oui, perdu. Florabelle. Méchante, méchante fille. Elle prend Adriel par le bras. Florabelle. Viens, mon chéri, la vilaine reste dans sa chambre. Maman ne veut plus de fille. Séquence 30. Intérieur nuit. Couloir de la maison. Kiona sort de sa chambre et remonte les couloirs de la maison. Elle entre dans une grande bibliothèque. Elle sort un gros atlas d'un rayon. Elle le feuillette et s'arrête sur une page qu'elle arrache. Elle entre dans la chambre d'Adriel et se glisse dans le lit. Adriel ouvre des yeux inexpressifs. Kiona. Regarde! Elle lui indique les points sur la carte. Kiona. On est ici. Les principautés centrales sont derrière. Ce qu'il faut, c'est entrer dans la forêt. Ils n'oseront pas nous chercher là-dedans. Adriel. Non. Kiona. Quoi, non? Adriel. J'en ai marre. Je veux rester ici, à la maison. Je veux pas partir. Kiona le regarde. Il a le visage décomposé. Kiona. Viens, on attendra. De toute façon, c'est bientôt l'hiver. Kiona, âgée, voix off. On aurait dit qu'il avait tout oublié. On aurait dit qu'il était mort, congelé, tout froid à l'intérieur. Je n'arrivais même plus à le détester. Il me faisait trop de peine. Séquence 31. Intérieur jour. Grand hall de la maison. Florabelle surveille les préparatifs d'une grande réception. Maxime et Adriel sont dans le salon, vêtus d'une sorte d'uniforme militaire. Maxime pose un képi sur la tête d'Adriel. Ainsi, Il ressemble à un gros petit soldat. Kiona, vêtue d'une robe de fête jaune et portant un petit sac, entre dans la pièce et regarde son frère avec consternation. Séquence 32. Extérieur jour, devant la maison. Des voitures noires se garent au bout de l'allée qui mène au perron. En sortent des miliciens vêtus des uniformes que portaient ceux qui ont détruit Novi Varna. Maxime et Florabelle les attendent en haut des marches. À quelques pas derrière eux, Kiona et Adriel patientent dans leurs habits de réception. Les domestiques ont pris place à droite du perron. Au-dessus d'eux, un calicot géant flotte au vent. Honneur et fierté. Kiona âgée voix off. Il ressurgissait comme une armée de punaises qui sort d'un vieux plancher. Plus dangereux que Maxime et Florabelle, plus dangereux que Yon, parce qu'avec eux, il n'y avait aucun moyen de s'arranger. Ils ne voulaient pas nous vendre. Ils ne voulaient pas nous aimer. Tout ce qu'ils voulaient, c'était nous tuer. Et ça, au moins, Adriel s'en souvenait. Un homme se détache du groupe et s'avance seul vers la maison. On reconnaît le chef qui a blessé Adriel à la joue. Florabelle et Maxime le contemplent, extatiques. Florabelle. Mon amour, regarde! C'est lui! Les yeux des enfants s'écarquillent. Florabelle et Maxime vont à sa rencontre tandis que Kiona et Adriel esquissent des petits pas chassés et se glissent derrière les colonnes. L'homme tourne le visage vers les enfants qui fuient. Florabelle. Peter! Peter! Les enfants dégringolent l'escalier et se précipitent vers le jardin. Les domestiques rompent le rang en désordre et courent derrière eux. Adriel avise la volière et soulève le loquet de la porte. Les oiseaux s'envolent et créent la panique. Quand ils passent dans les branches des arbres, ils entraînent un tourbillon de feuilles multicolores qui semblent voler avec eux et laissent les arbres nus. Profitant de la pagaille, les enfants passent la clôture et se lancent à corps perdu dans la traversée du champ de vigne. Après un instant d'hésitation, Kiona et Adriel entrent dans la forêt. Un domestique. « Je rentre pas là-dedans, c'est maudit. S'ils veulent les gosses, qu'ils y aillent, eux-mêmes. » Marie. « Tu parles qu'ils s'en foutent, ils en commanderont d'autres. De toute façon, la petite plaisait pas. » Les poursuivants rebroussent chemin. La forêt s'est refermée. Elle a avalé les enfants. Séquence 33, extérieur jour, la forêt. Kiona et Adriel cheminent sur un sentier. Ils se tiennent par la main. Adriel porte toujours son uniforme de parade et Kiona sa robe de fête. Les bouleaux semblent s'étendre à l'infini. Le vent siffle dans les arbres. Il emporte les feuilles. Dans le tourbillon apparaissent des flocons. Ils tournoient, de plus en plus denses. Aveuglés, les enfants luttent contre les assauts de la neige. La main d'Adriel lâche la main de Kiona. Très vite, la neige fait écran. Ils se cherchent et se perdent dans le brouillard blanc. On reste avec Kiona qui cherche en vain Adriel. Dans sa petite robe, elle grelotte. Elle trébuche et tombe. Elle serre les bras contre son corps et se recroqueville. La neige la recouvre et l'ensevelit. Des bottes avancent dans la neige. Une effrayante silhouette noire apparaît entre les troncs. Elle pousse devant elle une brouette. Soudain, un grand loup la dépasse en courant et fonce vers le monticule blanc qui recouvre Kiona. Il se penche, le flaire et gémit. Son souffle fait fondre la neige et le visage de Kiona apparaît. La silhouette se penche sur Kiona. Elle la soulève et la dépose dans sa brouette. Elle s'éloigne, suivie de la bête. La neige efface ses traces derrière elle. Séquence 34. Intérieur nuit. Maison de la vieille dame. Kiona ouvre les yeux. Elle est allongée dans un lit, dans la pièce unique d'une petite maison de bois. Une vieille femme vêtue de noir est assise au bord de la cheminée. Elle fume une petite pipe. Elle porte sur son visage les tatouages des Skanderberg. Posée sur le foyer, une marmite ronde. Le grand chien est couché devant la porte. La femme prend dans la marmite un bouillon vert dont elle remplit un bol. Elle le tend à Kiona qui, inquiète, regarde le bouillon. Puis la femme, qui lui fait signe de boire. La femme dépose sur le lit des vêtements épais, un bonnet et une paire de bottes. Séquence 35, extérieur jour, devant la cabane. Le ciel est bleu pur. Kiona est sortie devant la petite maison de bois. Elle porte les habits que la femme lui a donnés. Ils lui font une combinaison épaisse dans laquelle elle ressemble à un ourson. Partout où se pose son regard, tout est recouvert d'un épais manteau de neige. Aucun chemin ne part de la maison, isolée au milieu d'une petite clairière. Kiona fait quelques pas dans la neige. Le grand chien l'accompagne. Elle n'a pas fait 10 pas qu'elle se rend à l'évidence. Elle ne peut pas quitter les lieux. Elle retourne péniblement à la cabane. La vieille femme l'attend sur le seuil. Kiona, il faut que je retrouve mon frère. Je l'ai perdu dans la neige. Je ne peux pas rester sans lui. La vieille femme secoue la tête. C'est non. Les yeux de Kiona s'emplissent de larmes. Kiona, ramène-moi là où tu m'as trouvé. La femme secoue la tête à nouveau. Le visage de Kiona se fige. Une larme coule le long de sa joue. La larme gèle. La femme s'approche et la détache de sa joue. Elle la montre à Kiona avant de la jeter par terre. Les larmes gelées brillent sur la neige comme des pierreries. Séquence 38. Intérieur nuit. Devant le feu. La vieille femme qui fume en regardant le feu. La scène se transforme. Dans la fumée de la pipe, Kiona voit l'image de son père fabriquant des cigarettes qu'il entasse en petits tas sur la table. Kiona, âgée, voix off. On ne peut pas dire que je pensais à eux. Disons plutôt qu'ils me traversaient. Ils arrivaient comme des esprits et c'était comme si je les voyais. Kiona, elle parle toute seule. Mon père fabriquait des cigarettes qu'il allait vendre à la ville. C'était interdit, mais enfin, il faut bien gagner sa vie. Il lui arrivait d'en prendre une et de la fumer. Kiona se lève et va tout en continuant à parler vers le buffet où elle prend son carnet. Kiona, les deux grands vivaient encore à la maison. C'était avant qu'ils partent faire la révolution et qu'ils soient obligés de se cacher. La vieille femme fixe le feu. Elle garde une immobilité de statue. Kiona ouvre son carnet et dessine. Kiona, j'ai perdu mon père et ma mère. J'ai dormi dans des cartons. J'ai été vendue à des gens et maintenant c'est mon frère que j'ai plus. Je suis coincée avec toi et avec les bêtes. comme si j'avais pas eu de vie avant. » La femme, elle l'interrompt soudain. « Et alors, tu crois que t'es la seule ?» Kiona, interloquée, lève les yeux. Mais la vieille femme s'est remise à fumer sans un regard pour elle. Kiona reprend son dessin en silence. Séquence 40, intérieure nuit, la cabane. Dans la nuit, le grand chien noir va à la porte et gémit. La vieille femme secoue Kiona endormie à côté d'elle. Elle se lève et fait passer Kiona sous le coffrage du lit. Des soldats passent la tête par la petite fenêtre et inspectent l'intérieur de la cabane. Soudain, des coups violents retentissent à la porte. La vieille femme enfile ses bottes. Elle ouvre la porte. Le chien grogne. Le soldat reste sur le seuil. Le soldat. « T'as rien vu passer ? On cherche des Austéliens. Ah, et deux gosses aussi. Un garçon qui porte une marque sur la joue et une fille. » Pour le garçon, il y a une récompense. La femme. J'ai rien vu. Le soldat jette des regards soupçonneux dans la maison. Le soldat. Tu sais ce qui t'attend si tu les caches. La femme. Va-t'en. Le soldat lui tend une liste. Le soldat. Signe. Faut que les papiers soient en ordre. La femme. Je signe pas. J'ai plus de nom. Le soldat. Fais une croix. La femme prend la liste et fait une croix. Séquence 42. Extérieur jour, la forêt. Le soleil du printemps joue dans les arbres. Des bourgeons pointent sur les rameaux. La neige fond et forme de petits ruisseaux qui glissent entre les racines. Kiona s'enfonce dans la forêt. Elle arrive à un petit lac. Agenouillée sur la rive, elle touche l'eau et regarde son reflet brouillé. Il ressemble à une bête des bois. Elle ôte son bonnet, la surface de l'eau se lisse. Un visage de jeune fille se dessine sur l'eau claire. Elle passe un doigt sur ses lèvres et sur ses sourcils. Ses traits ont changé. Elle a vieilli. Elle enlève ses vêtements et plonge dans l'eau froide. Quand elle ressort, on voit qu'elle a un corps de jeune fille. En remontant sur le bord, elle égratigne son pied contre une branche qui lui laisse une longue estafilade. À quelques mètres de la rive, elle s'accroupit et fait pipi dans la neige. Au bord du lac, son habit d'ours semble l'attendre. Elle se relève et s'éloigne, laissant des gouttelettes de sang sur les plaques de neige qui subsistent. Au pied des arbres, les fleurs de la fin de l'hiver, crocus, jacinthe. Séquence 43. Intérieur jour. La cabane. Kiona regarde une photo. C'est une photo ancienne. On reconnaît la vieille femme dans sa jeunesse, vêtue d'habits brodés au milieu d'une famille nombreuse. Kiona, âgée, voix off. Elle avait eu un nom. Elle s'était appelée Paulina. La femme sort des plis de sa robe un objet qu'elle lui tend. C'est une broche en métal dont l'aiguille est très longue et la tête en forme de soleil. Paulina, prends-la. Elle sera ta chance. Kiona la range dans son sac qu'elle met sur son dos. Kiona, âgée, voix off. Une broche des Skanderberg. Celui qui la possédait ne s'en séparait jamais. C'était un cadeau de reine. Séquence 44, extérieur jour, la cabane. il fait soleil. Sur le seuil, Kiona serre Paulina dans ses bras. Elle s'éloigne en faisant des signes de la main. Le grand chien bondit autour d'elle. Paulina reste immobile devant sa maison. Le grand chien revient seul. En le voyant, elle rentre et ferme la porte. Séquence 45. Extérieur jour. Orée de la forêt. Kiona avance sur un sentier. On la voit cheminer de très haut, entourée par la masse de la forêt. La carte vient se superposer à l'image de la forêt. On découvre à la lisière, toujours vue du ciel, un campement de nomades, roulottes, caravanes, camionnettes aménagées. Kiona, cachée derrière une haie, observe. On voit surtout des femmes. Des enfants jouent dans leurs jambes. Dans un coin, quelques personnes s'entraînent à des numéros de cirque. Une femme, assise sur les marches d'une roulotte, regarde autour d'elle. Elle semble surveiller le camp. Kiona, âgée, voix off. On la remarquait tout de suite au milieu des autres. Elle avait une manière très autoritaire de ne rien faire. Fascinée, Kiona regarde. Tout à coup, un petit singe saute sur sa tête et se prend les pattes dans ses cheveux hirsutes. Kiona se redresse en criant. Les nomades interrompent leurs occupations, interloquées. La femme se lève et va vers elle. Vêtue de son costume d'oursonne, cherchant à se débarrasser de l'animal qui pousse des cris effrayés, Kiona a l'allure d'une apparition grotesque. Kiona, âgée, voix off. J'avais perdu l'habitude du monde. J'ai pensé qu'elle allait me tuer. La femme attrape le singe par la peau du dos et le lance à une jeune fille qui se tient non loin de là. La femme, à Kiona. Qu'est-ce que tu espionnes comme ça? Qui c'est qui t'envoie? T'es toute seule? Kiona, muette, secoue la tête. Autour d'elle, les nomades se sont agglutinés. La femme. Tu sors de la forêt, hein? Kiona. La femme. Je t'ai demandé. Tu viens d'où? Kiona. J'ai oublié. La femme. Tu as passé l'hiver dans la forêt? Kiona. La femme. Paulina est toujours vivante, avec son chien, n'est-ce pas? Son gros chien. Le regard de Kiona change. La femme. Dis donc, c'est pas toi la gamine qui avait filé dans la forêt, celle qu'on recherchait partout à l'automne, quand j'ai dressé le camp? Kiona. Je peux pas rester, faut que j'y aille. La femme, attrapant Kiona par le bras. Nous aussi, on doit partir. Mais avant, je vais te montrer quelque chose. Séquence 46. Extérieur jour, au milieu des roulottes. La femme traverse le camp, elle tient Kiona par le bras. À la main, elle tient le bonnet de Kiona. La femme. Ici, on m'appelle madame. Les enfants m'appellent tante. Qu'est-ce que tu préfères? Kiona. Madame. Madame lâche le bras de Kiona et lui montre une jeune fille, de dos, qui brosse le flanc d'un cheval. La jeune fille se retourne. Elle a les traits d'Adriel. Kiona avance avec hésitation et lui touche la joue. Elle suit du doigt la mince cicatrice qui a presque disparu. Elle ôte le foulard qu'Adriel porte sur les cheveux. Madame, à Adriel. Laisse tomber la robe. Elle ira à ta sœur. Madame lance le bonnet de Kiona à Adriel. Derrière un drap tendu, Kiona et Adriel ôtent leurs vêtements et se les passent. Kiona, âgée, voix off. Il s'était traîné dans la tempête et pour finir, la forêt l'avait recraché. Elle l'avait vu arriver au camp, bleu de froid dans son petit costume. Elle l'avait réchauffé et elle l'avait gardé. Il avait vécu là tout l'hiver, caché sous une robe. Tant qu'on pouvait le prendre pour une fille, il était en sécurité. Les filles, chez madame, c'était sacré. Ils écartent le drap et se présentent côte à côte devant madame. Adriel est vêtu en enfant ours. À côté de lui, Kiona est prise dans une robe très féminine. Madame, garde le costume. Un ours jongleur, c'est toujours bien. Et ta sœur... Elle se tourne vers Kiona et la regarde. Adriel, pas danseuse. Madame, elle est jolie pourtant. Kiona, pourquoi pas danseuse? Adriel, Les danseuses. Madame à Adriel. On verra. Elle est encore un peu jeune. Elle pourrait travailler avec vous. Vous ferez le numéro à trois. La belle, la bête et Erdewen. Séquence 47. Extérieur jour. Sur la route. Menée par madame, la caravane s'est mise en route. Les nomades escortent le lent défilé des voitures, marchant avec les animaux et les enfants. Kiona et Adriel avancent parmi les marcheurs. Un petit garçon, surexcité, court le long de la caravane. Le petit garçon, « Adriel, Adriel, on est parti !» Tous ceux qui les dépassent saluent Adriel. Kiona, âgée, voix off. Adriel connaissait tout le monde. J'avais du mal à le reconnaître. Il s'était débrouillé, je ne sais pas comment, pour se faire aimer. On aurait dit qu'un autre Adriel avait profité de l'hiver pour sortir de mon frère. En passant, un jeune homme très blond, aux cheveux presque blancs, se retourne et sourit largement. Kiona, âgée, voix off. Erdewan. Il était plus que beau. Le problème, c'est qu'il le savait. Adriel sourit. Erdewan s'adresse à une jeune fille qui marche à côté de lui, le petit singe perché sur son épaule. Erdewan. Regarde ça, Chaké. Je l'aime de plus en plus, cette caravane. Chaké à Kiona. Et voilà. Ça, c'est Erdewan tout craché. Séquence 48. Extérieur jour, au milieu des caravanes. On voit se monter le chapiteau. Gros plan d'hommes et de femmes au travail. Kiona, âgée, voix off. Nous faisions tourner son cirque. En échange, elle nous protégeait. Et surtout, elle nous dirigeait vers la frontière. Le fond de l'affaire, c'était ça. La frontière. On s'arrête sur Erdewan, Kiona et Adriel. Ils s'exercent. Derrière eux, on voit Chaké marcher sur un fil. Kiona, âgée, voix off. On n'avait rien sans rien. Il a bien fallu que je m'y mette. Les garçons échangent des balles avec adresse et les envoient à Kiona qui fait preuve d'un manque total d'habileté. Adriel. Fais un effort, t'es pas complètement idiote, tu dois pouvoir y arriver. Kiona. Je ne peux pas m'intéresser à des balles. T'y arrives pas, je m'en fous. Demande-moi autre chose. Adriel. Quoi, autre chose? C'est quand même pas compliqué. Kiona. Tu vois bien que si. Erdewan les regarde amusés. Erdewan à Adriel. Arrête de hurler. C'est pas comme ça qu'elle va faire des progrès. À Kiona. Allez, recommence-toi. Kiona laisse tomber toutes les balles et rattrape la dernière. Elle la brandit triomphalement. Kiona. Ça y est, ça vient. Erdewan. Elle est nulle. Petit à petit, la nuit tombe. Les jeunes gens semblent jongler avec des lumières. Au son d'une fanfare, les villageois s'installent sur les gradins. Séquence 49. Intérieur nuit. Sous le chapiteau. Des faisceaux lumineux éclairent successivement les différents numéros. Contorsionnistes, animaux savants, combat du nain et du géant, numéro de jonglage pendant lequel Kiona lance les balles aux deux garçons. Chaké et son singe apparaissent dans le numéro de funambule. Enfin, une douzaine de danseuses, aux robes colorées, exécutent une chorégraphie en agitant des voiles aux couleurs de l'arc-en-ciel. Séquence 50, extérieur nuit, autour du chapiteau. Dans la nuit, les spectateurs quittent le chapiteau. Les familles et les couples s'éloignent. Les danseuses aux robes couleur de l'arc-en-ciel attendent. Des hommes seuls s'avancent. Parmi eux, des soldats en uniforme. Les couples se forment dans l'ombre. Ils entrent dans des roulottes. Kiona, âgée, voix off. Les soldats aussi aimaient les danseuses. Tant qu'ils les aimaient, ils ne les contrôlaient pas. Dans la caravane, on savait tous que les filles achetaient la paix. On les respectait. Adriel est assis à côté de la caravane. Il souffle quelques notes dans un ocarina. Assise sur les marches, Kiona l'écoute. Erdewan s'approche et lui fait signe de lui faire une place. Il l'enlace. Kiona. Ça a pas, non ? Erdewan. Personne ne nous voit. On s'entend bien, tous les deux. Kiona. Oui, mais non, pas comme ça. Erdewan. Mais pourquoi ? Je suis beau. Je t'adore. Kiona. Mais t'es idiot, quoi ? Adriel ! Adriel ! Adriel lâche son ocarina, mais il ne se lève pas. Adriel. Erdewan, je t'avais dit qu'elle voudrait pas. Erdewan. Mais c'est la nuit. Kiona. Demande à celle qui danse. Erdewan. Elles sont vieilles. Et puis toi, je t'aime vraiment. Kiona. Alors fiche-moi la paix. Erdewan et Kiona sont assis l'un à côté de l'autre, boudeurs. Erdewan. C'est bon, tant pis pour toi. Kiona lève les yeux et sourit. Adriel a repris son ocarina. Séquence 51. Extérieur jour, sur la route. La caravane avance sous un ciel de printemps traversé de nuages. Après les campagnes de la basse Batélie, ont succédé des industries, des silos, des équipements électriques, des voies ferrées. Des patrouilles surveillent les routes. Kiona, âgée, voix off. Plus on avançait vers l'ouest, plus il y avait de soldats. Madame était de plus en plus tendue. Il arriverait bien un jour où ces danseuses ne suffiraient plus à lever les barrages. Kiona est assise à côté de Madame sur le banc de la roulotte. Une file de camions militaires dépasse la caravane. De l'un des camions, un gradé fait des signes à Madame. Le gradé. Annette ! Annette ! Madame ralentit le pas de ses chevaux. Kiona. Tu t'appelles Annette ? Madame. Je t'en pose la question. La caravane arrive à un barrage routier. Une patrouille fait signe de s'arrêter. Madame descend et s'approche des soldats. Kiona observe la scène de loin en cachant ses cheveux sous son foulard. Madame sort une liasse de papier et discute avec les soldats. L'un d'eux lui rend la liasse et lui fait signe de repartir. Madame salue, serre des mains. Elle revient vers sa roulotte, préoccupée. Les soldats ouvrent la barrière. La caravane repart. Kiona, butée, fixe la route devant elle. Madame, fais pas cette tête. Kiona, tu m'as dit de me taire. Je me tais. Madame, je t'ai pas dit de faire la gueule. Tu crois qu'on doit tout te dire? Que c'est comme ça? Vérité ou mensonge, blanc ou noir? La vie, c'est gris. Si tu veux t'en sortir, faut que t'apprennes à voir en gris. Séquence 52. Extérieur crépuscule. Au milieu des roulottes. La caravane est arrêtée au bord d'une route. Kiona dessine. Erdewan et Shaké viennent s'asseoir à côté d'elle. Erdewan. Alors, tu nous les montres, tes dessins? Elle feuillette son carnet pour eux. Kiona. C'est mon village. Novi Varna. Erdewan. Novi Varna, c'est de là que tu viens? Kiona. Pourquoi? Erdewan. C'est le nom d'un réseau. Ils organisent des passages de clandestins dans la fédération. Kiona. Qui c'est qui t'en a parlé? Erdewan. Faut écouter autour de toi, cocotte. Les gens disent des trucs. Hein, Shaké? Tu dois les connaître, si t'es du même coin. Kiona. J'avais ma famille avant. Un frère et une sœur, Melvina et Dario. Ils sont peut-être dans le réseau, parce qu'ils étaient dans la politique. C'est même à cause d'eux qu'on a dû partir sur la route. Mais je me suis tellement dit qu'ils étaient morts. Erdewan feuillette les pages du carnet. Il s'arrête sur le portrait d'Iskander. Shaké. Il est mignon celui-là. Erdewan. Qui c'est? Kiona. Rien. Un type que je connaissais. Séquence 53. Intérieur nuit. Sous le chapiteau. Derrière le rideau, Madame regarde les numéros. Vêtue de son costume de funambule, Shaké s'échauffe à côté d'elle. Madame se tourne vers les jongleurs. Madame. C'est à vous. Les jeunes gens entrent en scène. Arrive un groupe de soldats. Madame leur jette un coup d'œil alerté. Les soldats entourent Shaké. Madame. Qu'est-ce que vous faites? Ah non, pas elle! Elle hésite et lance. C'est ma fille! Voix de Yon. Ta fille. Sans blague. Comme ça, t'as une fille, maintenant. La silhouette de Yon se détache soudain au milieu des soldats. Madame. Yon? Je croyais que l'enfer t'avait bouffé. Le gradé. T'as des papiers pour elle, un certificat, quelque chose? Madame. Parce que tu crois que j'ai que ça à faire, emmerder les gens avec des papiers. Yon. Te fâche pas, Annette. Elle s'est enfuie d'une ferme. Mais ça, bien sûr, elle s'en est pas vantée. Madame. Et alors? C'est pas moi qui les vends comme du bétail. Yon. Tu devrais être moins arrogante, Annette. Toi aussi, t'en profites. D'où ils viennent les pouilleux qui triment dans ton cirque? Madame. C'est pas pareil, moi. Yon. Toi, tu les planques. Madame. Au gradé qu'elle tente de convaincre. Qui c'est qui va me le faire, le numéro? Sois gentil, relâche-la. Le gradé fait non de la tête. Shaké a baissé la tête. Il s'éloigne en la traînant avec eux. Madame. Salaud! Faux cul! Yon. Ça te va bien, faux cul. Tu veux qu'on vérifie les autres ? Le rideau s'ouvre dans un bruit de fanfare. Erdewan, Adriel et Kiona saluent le public. Ils quittent la piste à reculons. Kiona est la première à se retourner. Elle aperçoit Yun. Elle attrape les mains des garçons et les ramène vivement au centre de la piste. Kiona. Yun, derrière. Vous retournez pas. Ils saluent encore et encore. Erdewan en rajoute et le public rit aux éclats. Quand Yun et les soldats sont partis, Madame fait signe aux trois jongleurs de sortir. Le numéro suivant entre en piste. L'artiste en passant devant les jeunes gens. Ils ont arrêté Chaké. Madame. J'ai rien pu faire. Les jeunes gens la regardent sans rien dire. Madame. Arrêtez de me regarder comme ça. Qu'est-ce que vous croyez à la fin? Que je suis le bon Dieu? Séquence 54. Extérieur nuit, devant leur roulotte. Erdewan. C'est qui, Yun? Adriel. Celui qui nous a vendus. Kiona. Il va revenir. Faut partir, Adriel. Elle sort de sa poche la carte pliée et repliée jusqu'à former un petit cube de papier. Elle la déplie. Kiona. Elle pointe le doigt sur la carte. On n'est plus très loin de la frontière. Adriel. Et alors, tu sais comment passer? Kiona ne répond pas. Erdewan. Moi, je sais. Faut rejoindre Novivarna. Kiona. C'est malin! Erdewan. Le réseau, bien sûr! Au milieu de la nuit, les trois jeunes gens vont quitter la caravane quand la lampe de la roulotte de Madame s'allume. Sa silhouette s'encadre dans la porte. Madame. On ne dit pas adieu? Erdewan. Madame. Madame. C'est bon, filez. Il n'y avait rien à tirer de la petite. Mais les garçons étaient bien. Elle se détourne et claque la porte derrière elle. Kiona âgée voix off. Elle avait de la peine. J'en avais aussi. Mes parents, Iskander, Paulina, Chaké, elle maintenant. Je n'arrêtais pas de perdre des gens. Mon cœur était devenu une passoire. Séquence 55, extérieur jour, sur une route de montagne. Les jeunes gens s'éveillent. Ils ont dormi recroquevillés dans un fossé. Ils se lèvent et sortent du fossé. Ils marchent sur le côté de la route. Kiona, âgée, voix off. Plus on avançait, plus le village s'éloignait. On avait faim, on avait chaud et on se haïssait. Et puis, tout à coup, on s'est retrouvés devant les premières maisons. Ils avancent prudemment vers les habitations qui semblent désertes. Kiona va vers une maison. Elle regarde aux alentours. Personne. Elle fait signe aux deux garçons. Ils s'approchent. Quand soudain des soldats surgis de nulle part braquent leurs armes sur eux. Un soldat. Jetez vos armes. Les trois jeunes lèvent les mains en l'air. Les soldats les fouillent. Un soldat. Rien. Pas d'armes. Un autre soldat. Qu'est-ce qu'on en fait? Le soldat. On s'en débarrasse? Il y a un camion de prévu pour Chalangar. Le regard prend de la hauteur. On voit le village, les routes dans la montagne et le camp auquel elles conduisent. Séquence 56. Intérieur jour. Un camion. Kiona, âgée, voix off. Chalangar. C'était un camp. Un camp. Grand comme une ville. La fin du voyage pour ceux qui n'étaient pas arrivés à passer. De là, on vous expulsait vers les déserts du sud ou... on vous envoyait dans les peuplements de l'extrême nord. D'un côté, la guerre, de l'autre, la glace. On pouvait aussi vous laisser pourrir sur place, attendre que vous ayez la politesse de mourir tout seul. Des migrants se serrent à l'arrière de camions bâchés qui roulent lentement sur une route de montagne. Dans l'un des camions, Adriel a l'air de plus en plus mal en point. Erdewan le couvre de son manteau. Séquence 57. Extérieur crépuscule. La cour du camp. Les portes du camp s'ouvrent devant la file des prisonniers. Ils s'engagent dans un défilé de grilles et de sas. Un gardien. Les hommes, sur la droite. Les femmes, sur la gauche. Les ombres des prisonnières se profilent sur le sol. Passe sur elles un chariot, poussé par une gardienne. Elle tend à chacune un vêtement. Les femmes se déshabillent et enfilent l'uniforme en drap gris du camp. Puis, elles se dirigent une à une vers une table derrière laquelle est assise une surveillante. C'est le tour de Kiona. La surveillante trie les habits que Kiona lui tend. Elle en jette une partie, lui rend son pull. Puis elle fait signe à une gardienne de la fouiller. La gardienne sort le carnet de dessin. Elle l'ouvre et le jette à terre. Ses mains palpent le corps de Kiona et trouvent la broche de Paulina. Elle la regarde dans le soleil couchant. Les éclats scintillants attirent une pie qui se dandine à proximité. L'oiseau s'envole et passe en rasant la main de la gardienne. Il emporte la broche dans son bec. Aussitôt, la surveillante dégaine son arme et vise l'oiseau. Kiona la bouscule. La gardienne vacille, le tir est dévié. L'oiseau disparaît. La femme se retourne vers Kiona et la projette à terre. Elle lui envoie de violents coups de pied. Kiona se recroqueville sous l'avalanche des coups. La gardienne. « Me touche plus jamais, cochonnerie !» La femme s'éloigne, laissant Kiona effondrée dans la poussière. Au sol, les ombres immobiles des prisonnières. Personne n'a bougé. Kiona ramasse son carnet et le glisse dans son pantalon. Elle se relève lentement. Elle retrouve Adriel et Erdewan au milieu d'un groupe de prisonniers rassemblés devant un sas. Hommes et femmes à nouveau mélangés. Erdewan. Qu'est-ce qu'on t'a fait ? Kiona. Elle essuie sa bouche. Rien. Erdewan. Ils t'ont frappé ? Kiona. C'est rien, je te dis. Les gardiens les dirigent devant des bâtiments crasseux et ruinés, où siège une grouillante activité humaine. Les prisonniers vont et viennent dans leurs uniformes sales, portant des récipients d'eau. Les lumières des projecteurs balaient les façades. Le regard remonte lentement les murs, passe les miradors, gravit les montagnes qui se dressent comme des murailles, et arrive au ciel noir. Séquence 58. Intérieur nuit. Un couloir des bâtiments. Kiona, Adriel et Erdewan sont dans un long couloir qu'une lucarne troue à son extrémité. Tout au long, les portes des réduits où sont logés des prisonniers. Le gardien les pousse dans l'un des réduits. Dans un coin, un lit superposé de 3 étages. Au milieu, un enfant est couché. Il observe en silence. La porte se referme. Erdewan et Kiona installent Adriel sur le lit du bas. Son visage est émacié. Il sourit faiblement. Erdewan se tourne vers l'enfant qui n'a pas bougé. Erdewan. Merci de votre aimable hospitalité, cher ami. Nous allons vivre ensemble et... L'enfant. Tais-toi, tu fais du bruit. Kiona, âgée, voix off. Celui-là. Il s'appelait Isawa. Séquence 59. Intérieur jour. Un couloir des bâtiments. Dans un renfoncement de couloir sur une petite plateforme où aboutit un réseau de tuyauteries percées, des prisonniers remplissent leurs récipients. L'eau est jaune et sale. Kiona s'approche d'une femme. Kiona. Mon frère est malade. La femme. Tout le monde est malade. Il n'y a rien pour soigner. Séquence 61. Intérieur jour, le réduit. Assis à côté d'Adriel, Kiona et Erdewan tentent de le faire manger. Adriel n'arrive pas à avaler. Il tousse. Isawa entre dans la chambre. Il est très organisé. Il porte un petit pot de ferraille rempli de purée. Il regarde Adriel. Isawa. Il est malade. Erdewan. Bien vu, mon gars. Isawa. Il va mourir. Erdewan. Ah non, ça, c'est interdit. Isawa. Mon frère est mort. Isawa sort de sa poche deux petits fruits qui ressemblent à des nèfles. Isawa. Les fruits, ils mangent. Et c'est... Kiona presse un fruit dans la bouche d'Adriel. Kiona. Et des médicaments, Isawa. Tu sais où on trouve des médicaments? Isawa, tout en mangeant sa purée. Faut voir. T'as quelque chose à vendre? Erdewan. Le jour où on sort d'ici, je t'emmène avec nous. On connaît des gens. Isawa. Il est fou, celui-là. Ils vont venir te prendre et tu seras pendu. Adriel soupire. Kiona éponge son front. Isawa. Si t'arrives à passer, jure que tu me prends avec toi. Erdewan. Je le jure. Isawa. Je connais un homme pour les médicaments. Il est très puissant. Je l'amène à ta sœur. Erdewan. C'est pas ma sœur. Isawa. Je l'amène à ta femme. Erdewan. Je préfère. Séquence 62. Extérieur jour. Derrière les citernes. Isawa arrive en courant. Isawa. Viens, il veut te voir. Kiona. Qui? Isawa. L'homme des médicaments. Kiona voit une silhouette qui lui tourne le dos dans l'uniforme gris des détenus. La silhouette se retourne. C'est Iskander. Il contemple Kiona, muet de surprise. Kiona. Iskander? Iskander. T'es vivante? Séquence 63. Intérieur jour, le réduit. Iskander est agenouillé auprès d'Adriel qui repose, les yeux fermés. Il glisse entre ses lèvres le goulot d'un flacon. Kiona soutient la tête. Iskander. La fièvre va tomber. Couvre-le quand il aura froid. Il faut que tu lui trouves à manger. Kiona. Manger? Mais il n'y a rien. Iskander. Je trouverai. Je sais comment ça marche. Il se lève. Kiona. Tu fais ça pour moi? Iskander. Non, c'était un de mes gars, j'oublie pas. Il se dirige vers la porte et croise Erdewan qui entre dans le réduit. Les deux garçons s'affrontent du regard. Iskander sort. Erdewan. Qui c'est? Je t'ai déjà vu. Kiona. Ça m'étonnerait? Erdewan. Le gars du dessin. Tu savais qu'il était ici, hein? Kiona. T'es dingue ou quoi? Il m'a donné le médicament pour Adriel. Erdewan. Et il t'a dit comment le payer? Isawa sort la tête de sa couchette, il l'a. Isawa. T'es jaloux? Erdewan. Jaloux de quoi? De ça? T'es un comique, toi. Séquence 64. Extérieur jour. Derrière les bâtiments. Kiona marche seule derrière son immeuble, au milieu de la caillasse et des ordures. Elle s'éloigne jusqu'au premier grillage qui entoure le camp. Elle avise sur un arbuste poussiéreux une touffe de petites branches. On dirait une boule de gui desséchée. Un oiseau noir et blanc en sort et va se percher sur les grillages. Kiona s'approche, saisit une branche de l'arbuste et la plie. Le touillon de branche est un nid de pie. Dedans, trois petits œufs et la broche. Kiona jette un regard à la pie. L'oiseau ne bouge pas. Il attend. Elle prend les œufs et la broche. Séquence 65. Intérieur soir. Le réduit. Kiona est assise à côté d'Adriel. Il gobe les petits œufs qu'elle casse au-dessus de sa bouche. Iskander ouvre la porte du réduit. Il sort de sa poche des tablettes qu'il lui tend. Iskander. C'est pour lui. Cache-les. Ne dis rien au type qui est avec vous. Kiona. C'est un ami. Iskander. Il n'y a pas d'amis ici. Kiona. Mais moi. Iskander. On n'est pas amis. Kiona fouille dans sa veste. Elle tend vers Iskander sa main fermée. Kiona. Tiens. Iskander regarde dans la main. C'est la broche donnée par Paulina. Iskander. Une broche d'Iskanderberg? Où tu l'as volée? Kiona. On me l'a donnée. Iskander. Qui? Kiona. Une femme, dans la forêt. Je l'aimais. Iskander. J'en veux pas. Kiona. C'est pas de l'argent, c'est de l'amour. Iskander. J'étais un Skanderberg. Kiona. Je sais. Prends-la. Elle sera ta chance. Kiona s'approche d'Iskander. Elle lui met la broche dans la main. Elle prend son autre main et s'approche encore. Tous deux s'étreignent en fermant les yeux. Soudain, Iskander la repousse et s'enfuit. Il bouscule Erdewan qui arrive. Erdewan. T'as pas encore compris que c'est un mouchard? Kiona. Pas lui, Erdewan. Erdewan. Comment tu crois qu'il les trouve, les médicaments? Kiona fond en larmes et entre dans le réduit. Isawa est assis à côté d'Adriel. Isawa. Pourquoi tu pleures? Regarde! Il respire! Kiona prend Isawa dans ses bras et le serre contre elle comme un bébé. Isawa. D'accord. Je veux bien ton fils. Kiona. Mais je ne suis pas ta mère. Isawa. Pas de problème, elle est morte. J'ai personne. Et t'es assez vieille pour avoir des enfants. Regarde ça, des seins et tout ce qu'il faut. Kiona. Mais qu'est-ce que je vais faire de toi, Ahuri? Isawa. Je sais pas. Mémé. Kiona. T'aimer. Comme si on n'avait pas assez de problèmes avec l'époux. Isawa. Je savais. Isawa se blottit avec ravissement contre Kiona. Adriel ouvre les yeux. Adriel. J'ai fait des rêves. Il y avait un rêve où tu me donnais des œufs. Des œufs tout petits. Trois. Un autre où je revoyais le garçon du camp, tu sais, Iskander. Il avait des biscuits magiques. Isawa. Alors toi, quand tu dors, tu penses encore qu'à bouffer. Séquence 66. Extérieur jour. Derrière les bâtiments. Kiona est assise en plein soleil, adossée au mur d'un des bâtiments. Sa main tourne les pages de son carnet. Erdewan la rejoint. Erdewan. Ils sont dans le camp. Ceux de Novivarna, ils ont infiltré les gardiens. C'est ce qui s'est dit près des réservoirs. On dit que ça va péter, Kiona. Ça va péter bientôt. Séquence 67. Intérieur jour. Coursive. Kiona remonte l'une des coursives du bâtiment. Soudain, dans un recoin, elle aperçoit la silhouette dégingandée de Yon. Il regarde autour de lui. Il a l'air d'attendre. Elle fait un demi-tour et remonte le couloir en pressant le pas. Kiona, affolée, tourne le long de la coursive. Elle finit par revenir à son point de départ et voit alors Iskander s'approcher discrètement de Yon et lui parler à voix basse. Kiona s'immobilise. Elle fait volte-face pour s'enfuir. Son mouvement alerte Iskander. Iskander à Yon. Attends-moi, je reviens. Iskander se lance à la poursuite de Kiona. Iskander. Kiona ! Kiona. Elle se jette sur lui et martèle sa poitrine de coups de poing. C'est vrai alors ? C'est Erdewan qui avait raison. Et moi, pendant ce temps-là, je pensais à toi tout le temps et toi ? Iskander. Mais non ! C'est pas ça ! Kiona. Mouchard ! Séquence 68. Extérieur nuit. Le camp. Vue générale. Des ombres rampent sur les toits et glissent le long des citernes. Séquence 69. Intérieur nuit. Le réduit. Kiona est allongée sur son lit. Erdewan se glisse à côté d'elle. Erdewan. Ça y est, Kiona, ils sont là, Novivarna, dans le camp. Ils préparent une sortie. Kiona. Cette nuit ? Sur sa couche, Isawa, les yeux grands ouverts. Il sourit. Ses yeux se ferment. Kiona pose la tête contre le cou d'Erdewan. Kiona. J'ai peur, Erdewan. Erdewan. Je veux pas le savoir. On sera heureux. Très heureux, tu verras. Erdewan enlace Kiona. Dans la nuit, un vacarme immense se fait entendre. Dans le réduit, ils sont prêts, ils attendent, assis au bord des paillasses. Erdewan prend Isawa par la main et tous les quatre se précipitent dans la coursive. Séquence 70. Extérieur nuit. Le camp. Le bâtiment central est en feu. Des pans de murs s'écroulent au sol. Les prisonniers courent en tous sens, cherchant une issue. Ils croisent des gardiens affolés, impossible de distinguer dans la pénombre les amis des ennemis. Kiona et Adriel suivent Erdewan, qui tire toujours Isawa derrière lui. Ils sont emportés dans un mouvement de foule qui se dirige vers une large brèche ouverte dans les grillages. Mais au moment où ils arrivent à la brèche, elle est bloquée par les soldats. La foule reflue en désordre, les repoussant au centre du camp. Erdewan. Par ici ! Par ici ! Des coups de feu claquent derrière eux. Soudain, Erdewan s'écroule. Isawa. Mon frère et mon frère! Adriel écarte Isawa et se penche sur Erdewan. Il regarde Kiona. Adriel. Il est mort. Kiona. Non! Non! Kiona se jette sur le corps sans vie d'Erdewan. Adriel la saisit. Adriel. Viens, Kiona. Vite! Kiona reste immobile. Tétanisée. Quand soudain, une main se pose sur son épaule. Faut partir, Kiona. Vite. Sinon, c'est nous qui allons mourir. Kiona se retourne vivement. Elle reconnaît Iskander. Kiona. Fous le camp! Iskander. Calme-toi. Écoute-moi. Je travaille avec Novi Varna. Kiona le regarde, ébahie et dubitative. Quand Yon surgit soudain de la fumée qui a envahi la nuit. Il arrive derrière elle et la saisit brutalement par les cheveux. Il pose la lame d'un couteau sur son cou. Les trois garçons regardent la scène interdite. Yon. Finalement, vous êtes là. Les deux petits cafards sont de la fête. À Iskander. Alors c'est de leur côté que t'as misé. Tu m'as bien roulé, hein? On voit que t'as été à bonne école. Seulement c'est fini. Je reprends la main. Les deux Yelzides sont de Novi Varna. Si ça tourne mal, ils vont négocier ma sortie. Il colle son visage à celui de Kiona. Le premier qui triche, je t'égorge. Compris? Horrifiés, les garçons regardent Yon appuyer son couteau sur le cou de Kiona. Yon, le couteau toujours menaçant. Je veux pas d'ennui. Juste une sortie tranquille. Brusquement, Kiona ferme les yeux. Son corps se fait flasque. Surpris, Yon relâche son étreinte. Sans que rien le laisse prévoir, Isawa bondit dans ses jambes, s'y accroche et le mord. Yon lâche le corps de Kiona. Iskander se rue sur lui, brandit la broche des Skanderberg, l'enfonce profondément dans son cou et clipe le soleil. Yon se rejette en arrière, les yeux épouvantés. Il essaie en vain d'ôter la broche. Il tombe par terre, le visage contre le sol. Iskander, il se relève. Je t'avais dit, Yon, que je te tuerais. Il répète devant le corps étendu. Je te l'avais dit. Iskander se penche sur le corps sans vie de Yon et retire la broche de son cou. Il l'essuie sur les vêtements de Yon et la fixe à sa veste. Entraînés par Iskander, Kiona et Adriel, qui tirent Isawa par la main, courent dans la nuit noire et vont vers les grilles les plus éloignées de la foule. Iskander. C'est par là. Un étroit tunnel est creusé sous les barbelés. Ils s'y glissent tour à tour. Iskander montre le sommet de la montagne qui leur fait face. Iskander. On va passer par là. Et Adriel. C'est impossible. Iskander. Il y a un petit col, tout en haut. Séquence 71. Extérieur aube, sur un sentier escarpé. Ils avancent en file indienne à flanc de montagne. Kiona. Le tunnel, c'est eux? Iskander. Ils l'ont creusé de l'extérieur. Puis j'ai eu l'ordre de vous conduire. Dès que j'ai dit que je vous connaissais, j'ai été chargé de vos... Adriel. Alors pourquoi? Pourquoi ils ne sont pas venus avec nous? Iskander. Ils continuent à se battre. Plus tard. Le petit groupe est parvenu au sommet. Derrière eux, les ruines et les rochers hostiles. Devant, s'étend une large vallée cultivée. On aperçoit plus bas des maisons. On voit le linge blanc qui sèche. Tous les quatre contemplent le paysage. Une pie passe en voltant au-dessus de leur tête, puis plane dans le ciel de la vallée. Kiona la suit des yeux. Kiona. Tiens, t'es là, toi. Iskander se tourne vers Kiona et la regarde. Elle sourit. Yona. Maintenant, c'est tout droit. On y va. Il dévale la pente en courant. Kiona âgée voix off. Un an avait passé depuis le saccage de Novi Varna. La fuite avait englouti notre enfance et avec elle, toute notre vie d'avant. Je ne savais pas ce qui nous attendait de l'autre côté, mais Adriel était avec moi et nous venions de passer la dernière frontière. Pourtant, tout ce que je faisais en courant, c'était de pleurer. Et je ne savais même plus sur quoi. Erdewan, Melvina, Dario, mes parents, mes petits frères et sœurs, et tous ces gens que j'avais aimés, que j'avais laissés derrière moi dans la tempête. Toute ma vie, j'ai espéré qu'ils sonneraient à ma porte, que je les croiserais par hasard, sur une route, dans une rue, que je recevrais par la poste un courrier. On ne sait pas ces choses-là, n'est-ce pas? On ne sait pas. Isawa. Kiona? Et tu pleures, Kiona? Gros plan sur les mains de la vieille femme qui referme le carnet. Noir. Générique de fin. La traversée. Un scénario de Marie Desplechin et Florence Miaille. Dit par Ariane Ascaride. Prise de son, montage et mixage, Serge Ristich, Laure Young-Lancret. Assistante, Clémence Grosse. Réalisation, Laure Egoroff. La traversée, de Marie Desplechin et Florence Miaille, a reçu le prix du public pour le scénario du long métrage au festival Premier Plan d'Angers.